the street again. Stormy weather, like the clouds before the break. The rain through my head, images I've read. Here I am, watching night reflecting in my face. Only you can make me wonder. I don't want to cross the line. Remember, it's either now or never. We're made to be together. Let's make it right tonight. Memories of red desire. Hoping that this love will last forever. It's either now or never. We're made to stay together. Let's make it right tonight. Let's make it last tonight. desire. Hoping that this love will last forever. It's either now or never. We're made to stay together. Let's make it last tonight. Mad desire, burning through the night. Mad desire, dancing in the night. S'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore.

looking for my baby. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. Ooh, we had a quarrel and I let myself go. Said so many things, things he didn't know, and I was so, so bad. I don't think he's coming back. Mm-hmm. He gave the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so, so mad. And I don't think he's coming back.

forte o tambor. Eu quero a tique tique tique tique tá. Bate forte o tambor. Eu quero a tique tique tique tique tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor. Eu quero a tique tique tique tique tá. Bate forte o tambor. Eu quero a tique tique tique tique tá. Bella, bella che così fiera vai, non lo aspettare mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. DJ Phil, danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. DJ Phil, danzala la vita tua al ritmo del tempo che va. Ridila la tua allegria, cogli la prima mela. DJ Phil, DJ Phil. Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Stringilo forte a te l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima mela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima mela. La prima mela, cogli la prima mela.